Vous êtes dans la zone 89.1. Cette semaine, au Mathieu Plante Show. On vous présente une deuxième portion de pièces de la compilation Donkey Kong Country 3 Double the Trouble, un album composé de remix du jeu Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble. Hey, une heure de musique de ma série de jeux vidéo préférée. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Le Mathieu Plante avec le Mathieu Plante Show, oui, avec Mathieu Plante. Commence maintenant, on dirait Mathieu Plante Show comme l'autre show. Ce genre, comme show. Et voici celui qui tient la première syllabe de son nom beaucoup trop longtemps, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante et je suis de retour en direct. Vous l'aurez remarqué par les nombreuses erreurs que j'ai faites dans l'intro. Hein. J'étais préenregistré depuis les deux dernières semaines ou trois même. On fait un relâche de notre contenu habituel une dernière fois cette session-ci. Nos réputées chroniques Television, les segments Geek, CNX et WoWat Web. C'est un fait et condition. Les autres seront de retour cet été à partir de la semaine prochaine dans une nouvelle case horaire. Ça va être les lundis de midi à 14h. Normalement, l'émission commencerait en musique chiptune, c'est-à-dire de la musique inspirée par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo. Par contre, cette semaine, pour la deuxième fois, on y va un petit peu plus large en présentant des pièces inspirées par le célèbre jeu Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble, un de mes préférés à vie sur la Super Nintendo. Double the Trouble est le titre du 36e album édité par le site Overclocked Remix. Celui-ci présente des réarrangements de la musique de la version originale de Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble sorti sur Super Nintendo en 96 et celle de la réédition Donkey Kong Country 3 sortie sur Game Boy Advance en 2005 qui comprenait une toute nouvelle trame sonore. Donc cette compilation comprend 77 chansons par une soixantaine d'artistes différents qui réimaginent les compositions originales de Evelyn Novakovic et David Wise dans une grande variété de styles. L'album a été majoritairement fait par les fans, pour les fans, mais il contient aussi de nouveaux arrangements, oui, et des performances instrumentales par David Wise lui-même, celui qui avait fait la trame sonore originale. Cette fois-ci, j'ai choisi de vous présenter le cinquième et dernier CD de cette compilation, le disque bonus. On a écouté la semaine passée les trois premières pièces de chacun des cinq CD, sauf le dernier qui en avait joué seulement les deux premières pièces. Donc aujourd'hui, on compense en faisant toute une heure au complet et le disque lui-même dure une heure. Donc, on va pas trop perdre de temps à parler entre les pièces, seulement présenter les chansons. Donc, on commence tout de suite avec les trois premiers extraits de ce cinquième disque, Bonus Time. Plus tard, il y aura Racket Rave et Jitterbug System. Mais on va débuter avec la toute première pièce. C'est Take the World Back, entre parenthèses, Northern Chromosphere par Acolyte. On écoute ça tout de suite au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante sur C'est Fou 89.1 FM. Moi, en tout cas, je vais vraiment aimer ça. Fait que, hein, faites la même chose. Suivez-moi. Rocket Rave par Draconiator. La pièce à l'origine s'appelait Rocket Run dans la version Super Nintendo de Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble. Compositeur Evelyn Novakovic, avançant entendu au milieu Jitterbug System par Flexstyle. C'est la pièce qui s'appelait Jungle Jitter dans le jeu, aussi par Evelyn Novakovic sur Super Nintendo. Et au tout début du bloc, c'était la première pièce du 5e CD, le CD bonus de cette compilation, Take the World Back par Acolyte, basé sur la pièce Northern Chromosphere. Donc évidemment, chacun des artistes reprend une pièce du jeu original et la recompose, la change un peu. On avance avec un deuxième bloc. Maintenant, les 4e, 5e et 6e pièces de cet album qu'on peut télécharger gratuitement sur dkc3.ocremix.org. C'est un album en 5 CD. Donc, vraiment beaucoup de musique à entendre là-dedans, plusieurs heures de plaisir. Pièce numéro 4, c'est par Danton F. On s'en va entendre Treetop Intense tout de suite au Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Je vous avais dit que je parlais pas beaucoup dans cette émission-là, mais musicale. On a une heure de musique à écouter, une heure de temps. Heart of Darkness, Cavern Capers Game Boy Advance par CC Ricers, précédé de Joyful Jungle Jig, basé sur Jungle Jitter par Trinibo, et au début Treat Up Intense, basé sur Treat Up Tumble par Denton F. C'est les pièces 4, 5 et 6 de la compilation de Donkey Kong Country 3 Double the Trouble, qu'on continue dans quelques instants au Mathieu Planchot. Dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. C'est toujours le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, même si on pourrait dire presque sans Mathieu Plante pendant le mois d'avril, tellement j'ai peu parlé depuis les trois dernières émissions. En fait, les trois précédentes étaient préenregistrées et spéciaux Chiptune. Celle-ci est une émission spéciale musicale. Je parle pas beaucoup, c'est comme ça, mais ne vous en faites pas, je vais être de retour très bientôt avec un nouveau Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Une version de 2 heures les lundis de midi à 14h. Surveillez ça. Mais en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute la collection Donkey Kong Country 3 Double the Trouble, présentée par OC Remix. On a entendu les 6 premières en première partie d'émission. Il nous reste les 7 à 14. Pas sûr que ça va tout rentrer dans l'émission, mais essayons-le quand même. On va commencer avec la 7e. Voici Canopy Crawl, basé sur Jungle Critter GBA, donc Game Boy Advance, par Avery, featuring Jinto Kipianist. Tout de suite, on met ses plans de show. Les noms d'artistes compliqués tout le temps. Bon, en même temps, j'ai rien à dire, fait que si je m'enfarge dans quelques mots, mon pourcentage est pas très bon finalement. Thank you. Peach et Cranky's Christmas Mojo, entre parenthèses, Cranky's Dojo, Game Boy Advance, donc une chanson évidemment qui vient du jeu de Game Boy Advance, Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble, parce qu'on est en train d'écouter la compilation Donkey Kong Country 3, Double the Trouble, ici au Mathieu Planchot. En tout cas, moi j'aime bien ça jusqu'à maintenant, j'adore cette compilation qui comporte 5 CD, encore une fois, vous pouvez les télécharger sur dkc3.ocremix.org. J'ai dit que je parlais pas beaucoup parce qu'on a beaucoup de musique à passer en une heure et continuons avec le prochain bloc. On commence avec Can't Boss Us Around Original Mix, basé sur Boss Boogie par Hoboka, tout de suite au Mathieu Planchot. Ça, c'est fou. 89 FM, bien sûr. Il nous reste encore les pièces 10, 11, 12, 13, 14. Il reste 13 minutes. On va voir. We'll be right back. Pièce Dive Waterworld par Theophany featuring JGT, Prophetic, Someone Named Jeff et Zyko. Au Mathieu Plante Show, on écoute la compilation de Donkey Kong Country 3 Double the Trouble par OC Remix qui collectionne, ramasse des remixes des pièces du jeu Donkey Kong Country 3, jeu vidéo sorti en 1996 sur la Super Nintendo, un de mes jeux préférés à vie. J'avais dit qu'on dépasserait un petit peu la case horaire parce qu'il nous reste encore deux pièces. deux petites pièces, une de 6 minutes et une de 4. Donc, on se quitte presque là-dessus. On va venir se dire au revoir après. Et on commence pour l'instant, encore une fois, Théophanie qu'on vient d'entendre. Cette fois-ci, par contre, avec la pièce The Crystal Key is Broken, entre parenthèses, Mama Bird. On met le plan de show sur C'est fou. Footloose Falls, Cascade Capers Super Nintendo et Cascade Capers Game Boy Advance par Amunator. On m'a dit plein de choses. C'était la collection, on fait le disque 5, Bonus Time, de la collection Donkey Kong Country 3 Double the Trouble par OC Remix et ses nombreux artistes. Ils ont repris les chansons des deux jeux sur Super Nintendo et sur Game Boy Advance. Deux jeux avec des trames sonores différentes, mais le même jeu en tant que tel qui était refait pour Game Boy Advance. Si vous avez aimé cette sélection musicale aujourd'hui et la semaine passée, alors qu'on avait écouté trois pièces de chacun des cinq CD, ben à partir de cet été, en fait tout l'été, on va écouter trois pièces à la fois de chacun des CD dans l'ordre au complet pendant l'été. Donc on va faire des blocs de trois pièces à chaque semaine. Ça va être magnifique. En tout cas, pour moi, j'espère que vous allez aimer aussi. Téléchargez-la sur dkc3.ocremix.org. C'est ce qui termine une autre édition du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve donc pour une nouvelle saison, comme j'ai dit, dans une nouvelle case horaire, les lundis de midi à 14h. Ça va être aussi le retour de nos chroniques régulières comme Television, le segment Geek CNX et Wow What Web. Consultez la programmation sur cifou.ca et retrouvez tous les liens et les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye!